Hey yo, au front près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Là, ce matin, vous êtes venu bloquer ton lycée. Et rappelle-moi, t'es dans quel lycée déjà? Ouais, donc je suis à Sophie Germain. Donc ouais, on est arrivé vers 5h30. Du coup, il y avait un peu de tout le monde, seconde, première, terminale. C'était assez massif. On est arrivé, on a regroupé toutes les poubelles, puis après on est allé bloquer les entrées. On a eu 2-3 problèmes avec l'administration qui était debout, qui avait été prévenu par la préfecture, ça d'accord. S'est plutôt bien réglé. Du coup, bah là, voilà, on est toujours là, on va rester bloqué jusqu'à 11h, et puis à 11h on part en manif. Ok, et du coup là ça s'est passé comment? Il y a eu des policiers qui sont venus? Bah il y a 2-3 voitures de backeux, 2-3 voitures de keuf qui font le tour quoi, mais pas d'intervention quoi, juste pour essayer de désinciter, mais ça nous a pas fait flipper okay. Quoi. Et vous étiez combien ce matin? Je sais pas, franchement je pense qu'on était une trentaine, voire peut-être 40. À 6h? Ouais, à 6h peut-être un peu moins, genre on devait être une vingtaine, et puis les gens ils arrivent au fur et à mesure. Puis à 8h on est massif quoi, là on va bien le tenir. Ok. Et pour toi, tu vas aller à la manif ou ça va se passer comment? Ouais, moi je vais à la manif, je pense que ça va pas être super pacifique, je pense que ça va vite partir en couille. Après, moi je serai pas de ceux qui jettent des trucs, c'est pas trop mes valeurs, mais je pense qu'il faut se lever pour faire justice pour Adama. Dans un pays comme la France, genre qui est là, toutes ses valeurs elles sont propagées partout dans le monde. Quand il n'y a pas de démocratie, la justice elle blanchit des policiers, le pouvoir exécutif, voilà quoi. Montesquieu nous avait dit faut que ce soit séparé, c'est pas séparé, on est là quoi. Ok, d'accord. Et sinon, toi t'en penses quoi de l'affaire là, de tout ce qui se passe au niveau des violences policières, avec l'affaire de Théo, mais aussi on a appris qu'il y a eu d'autres affaires avec le même policier. Son pote. En 2015, il y avait aussi une affaire qui maintenant va être requalifiée de viol. Ouais. Et donc le policier a pris 5 mois de sursis, okay. Maintenant il va être rejugé. Il passe en appel. Toi tu penses que c'est important que les lycéens se mobilisent? Ouais, moi je pense que c'est important, pour apporter notre soutien, parce que faut être solidaire. Nous, il y en a un qui est touché, on est un peu tous touchés, quoi, même si ça fait un peu slogan à deux balles. Ouais. Et tant que ce sera toujours pas parfait, nous on est là, on vise un idéal, quoi. Tant que c'est toujours pas parfait, on sera là, on se lèvera les matins et on bloquera s'il le faut, quoi. Ok, d'accord, bah merci. De rien. Salut. Ce matin, je me suis levé vers 5h, je suis venu devant le lycée, et là j'ai retrouvé un groupe de personnes qui attendaient et qui étaient prêts. Ensuite, on a commencé à aller dans le quartier, etc., pour essayer de trouver des poubelles vides, après le passage du camion de poubelle. Et voilà, donc on a patrouillé un peu dans le quartier. Il y avait beaucoup de personnes qui bloquaient ? On a vu que quand on est arrivé à 5h30, on était une toute petite dizaine. Et puis au fur et à mesure de la journée, il y avait de plus en plus de monde. On s'est retrouvés à 6h, 6h30 au moment de l'assaut où on a mis les poubelles. On devait être une cinquantaine. Donc on a vu de plus en là, plus de gens. Là, votre blocus tient. Là, vous avez combien de portes? Deux portes? On a 3 portes en tout. On a réussi à faire ça bien. C'est pour ça que c'est important d'avoir pas mal de poubelles pour bloquer les 3 portes. Donc celle de l'entrée, celle de derrière et celle-là pour vraiment que personne ne rentre. Okay. Parce que sinon le blocus ne tient pas et des élèves peuvent rentrer. Et donc voilà. Ok, et pour toi c'est important que les lycéens se mobilisent pour ce genre de cause? Pourquoi t'es venu bloquer en fait? Pourquoi je suis venu bloquer? Pour permettre déjà au maximum de gens d'aller en manifestation, de s'exprimer, ce qu'ils ne pourraient pas forcément faire sans blocus en fait, avec une comptabilisation des absences, le fait que tout le monde aille en cours, etc. Et donc faire un blocus au lycée, c'est pour montrer que voilà, on commence à avoir nos opinions politiques et que voilà, on fait partie des mouvements et que on a notre okay. avis nous aussi et que notre avis compte. Et donc on montre justement que là on n'est pas d'accord avec ce qui se passe au niveau de la police et des violences policières. Et donc voilà, je trouve que c'est important de se mobiliser. Toi tu vas aller à la manif? Ouais, bien sûr. On a fait le blocus du coup ce matin. Là l'objectif c'est de tenir le blocus jusqu'au départ en manif et après de partir en manif tous ensemble avec le plus de monde possible. Et tu penses que ça va être comment au niveau de la répression, l'installation policière tout autour de la place? Là je crois qu'il y a déjà des métros qui sont bloqués, le métro Nation, et il y a des fouilles un peu partout. Ouais, j'ai fait des manifestations l'an dernier et j'ai vu comment c'était. Les forces de police, elles sont on les autorise de plus en plus de choses, elles sont de plus en plus violentes, etc. On voit de plus en plus à chaque manifestation des dégénérations. Du coup, J'espère que ce sera pas trop méchant, parce qu'en plus c'est une manifestation contre les violences policières. Donc là ce serait vraiment contradictoire que les policiers tapent fort contre des gens qui sont justement contre ça en fait. Du coup, j'espère qu'ils sauront faire preuve d'un peu de diplomatie et qu'ils seront pas trop violents avec des manifestants qui veulent juste exprimer leurs opinions sur des faits. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur. Moi je suis étudiant, je suis en L1 d'histoire, donc je m'appelle Joe, enfin Jonathan mais Joe. Donc nous on est arrivé à Nation après avoir effectivement fait le tour, voir ce qu'on pouvait donner un coup de main aux lycéens, lycéennes qui bloquaient. Puis Nation c'est parti direct en affrontement, ça a fait 2-3 tours. Puis ensuite on est parti, je connais pas trop le quartier, mais en tout cas vers Doménil. Et en fait les flics nous ont passé de côté, ils ont pété des lacrymos de partout. Ils ont pété des lacrymos de partout, et en fait ça fait coincer une petite rue. Il y a des gens qui ont tenté de se barrer sur le côté, sauf que les flics nous ont coincés. Et là ça s'est passé en faisant fouiller des sacs un par un. Ah ouais. Ouais non c'était... Attends mais c'était pas la BAC du 20e aussi qui était là? Il y avait la BAC du 20e sûrement, je les connais pas, non. Parce qu'ils sont rentrés dans l'immeuble et en soutien de la BAC du 20e, il y avait les CSI, qui sont en fait une unité de la préfecture, de la police, directement sous ordre de la préfecture, anti-émeute, et qui en fait, eux sont les plus dangereux, les plus vicieux, donc qui étaient là quand même pour une manif de lycéens, et avec des contrôles. Yes. Avec des contrôles de sacs, et il y a le journaliste Alexis Kralan, Street Politics, qui s'est fait caler un gros coup d'intimidation, c'est-à-dire il a voulu sortir. Ouais. Et les flics l'ont direct chopé, en mode toi t'avances pas, mais mise à terre, ils lui ont pris son casque. Souvent lui dans les manifs, C'est des journalistes en fait qui n'hésitent pas à diffuser un discours contre ce que balance la préfecture, du coup ils les prennent pour cible. Et pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles d'interpellés, j'ai vu quelques personnes blessées, mais je sais pas du tout pour les chiffres. Mais je sais pas, en tout cas là on est place de la Nation, je sais pas ce que ça a donné, c'est fermé, peut-être on va faire Nation debout. Ok d'accord, bah merci. Ouais, pas de soucis. C'est important l'émergence de mouvements sociaux comme l'année dernière, parce que ça rappelle les événements passés et que c'est toujours, enfin, il devrait y avoir aucun motif en fait, pour manifester tellement la société c'est de la merde et que c'est sur toutes les lois de merde qu'ils font. Et donc en fait dans tous les cas, genre tu pourrais faire une manif tous les jours. Donc en fait c'est bien qu'il y ait une manif au moins une fois par semaine, donc voire tout le temps, et donc c'est important de s'y retrouver là. Tu penses que les lycéens, enfin c'est important qu'ils soient impliqués dans ce genre de lutte. Bah ouais, c'est le... Qu'ils soutiennent aussi les banlieues, parce mais que oui, bah c'est la... parti de là. Ah oui, c'est parti de là, il faut qu'il y ait une communication entre banlieue et Paris. C'est pas évident et ça se communique pas beaucoup. Et on a vu quand t'es à la Bobox que ça marchait pas de ouf. Ah t'étais au TG? Ouais. Ah, c'est passé comment? C'est parti en couille après, on était gros mains. Après c'est reparti en couille le jour, un jeudi. Il y avait un jeudi, c'est samedi, il y avait le truc à Bobox et après il y avait le jeudi. Mais en fait le truc c'est que c'est pas tous les mêmes méthodes d'action, de trucs et tout. Et donc en fait, genre les banlieues descendent pas sur Paris et les Parisiens descendent pas en banlieue. Ouais, en fait il y a aucun contact. Ouais, y a pas par exemple l'année dernière il y avait aucun contact dans le mouvement de la loi travail. Ouais. Par exemple la nuit debout c'était pas représenté, il y avait rien du tout. C'est tout le temps les seuls comme ça. Ouais, et du coup en tout cas c'est quand même bien que genre ça reparte, j'espère que genre ça va déterre tout le monde pour avril-mai pour bloquer tous les pays. Et du coup la manif là ça s'est passé comment? Au début. Toi ça s'est passé comment alors, pour toi? Bah moi j'étais là au début. Après on a vu que ça commençait à partir en sauvage de l'autre côté. Vers Picpus. Ouais, vers Picpus. Okay. Et on s'est parti sur quelques rues pendant quoi 25 minutes. Mmh. Parce que c'est les CAF, ils arrêtent une rue. Okay. Et du coup tout le monde a tracé et c'est passé. Et après je me suis dispersé, je marchais lentement pour revenir ici. Okay, merci. Bah, merci.